بسم الله الرحمن الرحيم ندخل في المسألة الثانية والعشرين بعد المئة صوب النزيم مسألة في قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit que lorsqu'il sera soufflé dans la trompe il n'y aura plus de lien de parenté entre eux et qu'ils ne s'interrogeront pas ce jour-là Al-Mu'minun verset les croyants verset 101 قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على أنهم لا أنساب بينهم يومئذ وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. Donc selon le verset démontre qu'il n'y aura pas de lien de parenté entre eux ce jour-là et qui ne se t'arrangeront pas les uns les autres le jour du jugement. وقد جاءت آية أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم. كقوله تعالى يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Et dit, il y a d'autres versets qui sont venus qui démontrent que, justement, les liens de parenté seront bien effectifs ce jour-là. Comme dans le sens où Allah dit, le jour où l'homme fuira de son propre frère. Abasa, il s'est renfourné, verset 34. وَآيَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يَتَسَاءَلُونَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Et d'autres versets, eux, démontrent qu'ils s'interrogeront ce jour-là. Comme dans le sens où Allah dit, qu'ils se tourneront les uns vers les autres pour s'interroger. As-Saffat les rangées, verset 27. Donc là, on a ce qui apparaît comme étant une contradiction. Wal-jawabu an al-awwal. Réponse par rapport à la première chose, par rapport à une parenté. An al-murad bi-nafi al-ansab inqita' fawa'idiha wa athariha allati kanat murtabatan mutarabbatat. مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء لا نفي حقيقتها. Donc en premier lieu, par rapport aux liens de parenté, ces liens de parenté là qui sont dans son verset, qui sont reniés, en réalité c'est le fait qu'il n'y aura plus de lien à en tirer. Tout ce qui en tire comme dans la dunya comme profit de cette parenté, ce jour-là ne serviront à rien du tout en fait. C'est ça que cela veut dire. Qu'il n'y aura pas d'affection et qu'ils n'apporteront aucun profit et qu'il n'y aura même pas de s'en vanter, Rezalika. Et non pas le fait qu'il n'y ait plus de ansab. Ça ne veut pas dire que le frère ne sera plus le frère de un tel, mais que cette fraternité ne leur servira à rien ce jour-là. قال والجواب عن الثاني من ثلاثة أوجه. Et donc la réponse maintenant au deuxième point, qui est le fait qu'ils s'interrogeront, cela avec trois réponses. الأول أن النفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية وإثباتها بعدهما معا. Donc le fait qu'il n'y aura pas de questions, c'est-à-dire qu'ils ne s'interrogeront pas, ces gens-là, en fait ce sera après le premier souffle dans la trompe, avant le deuxième. Par contre, ils s'interrogeront après que Allah leur aura rendu la vie. Donc, en fait, il n'y aura pas de questions après le premier souffle dans la trompe. Ensuite, il y aura le deuxième, par lequel tout le monde reviendra à la vie. Et à ce moment-là, là, ils s'interrogeront. Première réponse. Athani, anna nafi su'al inda ishtighalihim bis-sa'qin wal-muhasaba, ou bis-sa'qi wal-muhasaba, wal-jawaz al-sirat. Wa izbatuhu fi ma'ada thalika, wa huwa عند سدي من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. Deuxième réponse, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de question entre eux, tant ils seront préoccupés déjà par l'évanouissement qui aura lieu après le souffle dans la trompe, et également les comptes qu'ils rendront et le fait de traverser le pont. Mais en dehors de ces situations-là, ils pourront s'interroger les uns les autres. Ça, c'est le call apporté par ibn Abbas. Troisième réponse. أن السؤال المنفي سؤال خاص وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوتهم من الإعطاء ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان. Et troisième réponse, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de questions خاص spécifiques, d'interrogations spécifiques, c'est-à-dire le fait qu'ils se demandent pardon les uns aux autres. Parmi les droits que chacun sera en mesure de rendre aux autres. du fait qu'ils auront désespéré de recevoir quoi que ce soit ce jour-là. Qu'il s'agisse que celui que tu interroges, qu'il s'agisse du père, ou du fils, ou de la mère, ou de la femme, il n'y aura pas de question à ce moment-là. Naam. Et il cita que ces trois réponses ont été données par Sahib al-Khan. Naam. Donc là, c'était la réponse par rapport à cette mas'ala. Wallahu ta'ala a'lam, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.